mwen kriye Karno, pou moun pa ka repon. Mwen di ou, mwen raje. Tambou en moi pas qu'à sonner, tambou la lever sans fond, cabrita moi tous les derrière. Mais en moi j'ai engouti, des doigts en moi mais c'est ma sonne. En pas qu'arrive ton bon reprise, gage en moi belle, waïa ya yo. Si les hommes vous sauvez moins, moi allez crier vélo, vous faites qu'on y est en bouba moué, moi crier.